ou des fils de familles riches, ou c'est une valeur que nous avons acquise parce que nous avons beaucoup travaillé. D'une façon ou d'une autre, l'ego veut toujours être connu. Le problème de l'ego, c'est la reconnaissance. Donc, l'homme qui a de l'argent ou l'homme qui a un autre pouvoir, les gens qui ont un pouvoir à un niveau ou à un autre, dans une expérience extrêmement pénible sur le plan égoïque, s'ils n'en arrivent pas à comprendre que l'homme conscient est un être libre, il est libre non pas dans le sens de l'évolution, mais il est libre dans le sens qu'il ne peut pas traiter avec l'astral de l'évolution. Donc, vous dites que l'individu qui est possessif d'un quelconque pouvoir, c'est strictement pour une question de reconnaissance. Il veut être mis en valeur. C'est une réaction normale de l'ego. Ça fait partie des lois d'impression sur la Terre. Un homme qui a quelque chose, il veut être connu pour ce qu'il a. Parce que c'est à travers cette reconnaissance, cette impression qui vient vers lui, qu'il se nourrit et qu'il se sécurise égoïquement. Je n'ai pas tellement d'objection à ce phénomène-là parce que ça fait partie de la formation de l'ego, ça fait partie de l'évolution expérimentale de la conscience de l'homme. Mais il y a des gens qui vont trop loin dans cette aberration, dans ce mouvement de l'âme à travers l'ego, et c'est là que ça devient dangereux. Et si les gens sont naïfs et ne sont pas suffisamment conscients, ben ils se font prendre dans le jeu. Deux personnes conscientes, eux autres se reconnaissent sur quelle base? Deux personnes conscientes se reconnaissent sur la capacité intégrale chez l'un, chez l'une et chez l'autre d'échanger. C'est strictement l'échange. Strictement l'échange. Deux personnes conscientes ne se mesurent pas en termes d'intelligence, ils se mesurent en termes de capacité d'échange. Un peut être plus créatif que l'autre, mais les deux sont capables d'échanger. Ça, c'est intéressant. Ça n'a pas de relation avec la dépendance, là. Non. En tout cas, ça n'a pas de relation avec les dépendances s'il y en a un qui est conscient. Parce qu'une personne, c'est hiérarchique, la conscience créatrice, hein. Autrement dit, vous ne rencontrerez jamais deux êtres conscients qui ont le même niveau d'expérience au niveau de l'esprit. Parce que chacun a un double différent. Donc, il y en a certainement un qui aura un double, qui a plus d'expérience. Donc, automatiquement, la vibration du mental sera un petit peu plus élevée que l'autre. Et ça permettra à celui qui a une vibration plus élevée de toujours s'assurer de ne pas être englobé par l'autre. Par contre, à cause de l'universalité de la vibration mentale, les deux pourront facilement échanger sur un même pied. Même s'il y en a un qui est plus évolué que l'autre, même s'il y en a un qui est plus vibrant dans le mental que l'autre, l'échange se fera sur un même pied. Et c'est ça qui est la mesure de deux êtres conscients. Ce n'est pas tellement leur coefficient hiérarchique, c'est réellement leur capacité mutuelle d'échanger, à tous les niveaux. Excusez, j'avais le goût de prendre un exemple. Vous rencontrez Rockefeller, vous êtes vibratoirement, ou du moins en termes de conscience, hiérarchiquement supérieur, en tout cas j'affirme ça, et vous êtes capable de garder une relation sur le même pied. Vous dites que vous êtes capable d'établir avec cette personne-là qui possède un pouvoir matériel évident, vous êtes capable de garder une relation sur le même pied. Pouvoir d'échange, c'est un échange. Vous prenez des hommes comme Rockefeller, ou vous prenez des hommes dans le monde qui ont fait leur marque. Les gens qui ont fait leur marque dans le monde sont tous plus ou moins médiums. Vous regardez des gens qui ont le pif. Et vous écoutez leurs histoires, parce que souvent ils ont des biographies, et ainsi de suite. Et ils ont le pif, ces gens-là. Et aussitôt qu'un homme a le pif, c'est facile de communiquer avec un homme qui a deux pifs. Parce que il y a déjà du pif. Ma femme, elle est à Paris présentement et pour des affaires, et elle a rencontré une Italienne suisse, une financière, et puis d'abord, ça s'est adonné que cette femme, elle est médium astrologue, mais elle est financière, sa famille, ce sont des financiers, et quand elle a rencontré ma femme, elle a été absolument ébahie de son expérience. Elle a beaucoup aimé ma femme, tout de suite. On aime beaucoup ma femme, tout de suite. On ne peut pas ne pas aimer ma femme. Elle est très fine. Donc, elle a beaucoup aimé ma femme, et la connexion s'est faite, et elle a même dit à ma femme, puis elle ne me connaît pas, Elle a dit à ma femme, votre mari a un grand don. C'est sa façon à elle, médiumnique, de parler de moi. Donc, elle a dit à ma femme, votre mari a un grand don. Et il est évident que quand j'irai en Europe dans quelques semaines, dans deux semaines, je vais la rencontrer et qu'il se passera des choses très intéressantes entre moi et cette personne-là. Donc, il va y avoir échange. Il va y avoir échange. Je n'ai pas besoin de révéler ce que je suis, de parler occultement de ma personne, mais je peux parler des choses banales de la vie. Je peux parler de ses finances. Mm-hmm. Je peux parler de son travail, je peux parler d'elle, je peux parler de ses finances, je peux parler de ce qu'elle vit, ainsi de suite. Donc, c'est un échange. Et à ce moment-là, mais la vie s'ouvre. S'ouvre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pourquoi on n'aurait pas rencontré simplement un propriétaire purement matériel, sinécroche, au lieu de rencontrer une financière suisse-italienne qui est médium astrologue. Hein? Donc, la vie, c'est comme ça. Tout vient vers soi, tout vient vers soi. Mais il faut être prêt. Il faut être disponible. Faut être prêt. Et ma femme, elle est prête. Moi, je suis super prête. Donc, à ce moment-là, on aura beaucoup de plaisir. Donc, la vie devient agréable dans un autre pays, d'autres personnes. Et ça continue comme ça. Donc, quand vous parlez d'échange, vous ne parlez pas simplement de... Tu sais, les gens vont dire, l'objectif, c'est de faire de la business ou quelque chose de genre. C'est la conséquence. Ça, c'est une conséquence. Ben oui, c'est de la conséquence. Je n'aurais pas d'objection de faire des affaires avec cette femme, ainsi de suite. Ouais. Mais c'est une conséquence de la vibration. C'est pas l'objectif. Tandis que si j'étais inconscient, que ma femme était inconsciente, et qu'on avait rencontré cette personne-là, probablement qu'elle nous aurait fui, parce que d'abord, elle a déjà un pif que nous n'aurions pas eu. Et nous aurions maltraité avec elle. Donc, étant une personne d'expérience dans ce domaine, elle se serait en allée. Alors que là, c'est une situation opposée. Donc, ça va très loin, la conscience. C'est comme si, la façon que vous parlez, un échange est possible quand il n'y a pas de part et d'autre un envahissement. Un échange est possible si de part et d'autre il y a un très grand respect. Que vous ayez une grande conscience occulte ou que vous soyez ou que vous ayez une moindre conscience occulte ou que vous soyez simplement un bonhomme dans la rue, les gens n'ont pas besoin d'être médiums. Il y a du monde dans la rue que je rencontre à tous les jours. Mais j'échange, il faut échanger, Mais pour pouvoir échanger, il faut respecter l'homme. Et si vous demandez qu'est-ce qui permet à l'homme de respecter, c'est l'amour. Ultimement, derrière le respect. Si vous n'avez pas d'amour dans le respect, ce n'est pas du respect réel. C'est un front, c'est une couverture, c'est très british, c'est très anglais. Mm-hmm. Mais si vous aimez, c'est protocolaire, c'est froid, c'est pas réel. Mais s'il y a du respect réel, il y a de l'amour. Un homme qui respecterait une personne parce que ça fait partie du protocole, ça ne peut pas aller très loin avec une personne consciente, il va voir à travers. Mais une personne qui est consciente et qui est sensible et qui aime et qui est capable d'aimer à un niveau ou à un autre, est capable de respecter. Vous ne pouvez pas dissocier le respect de l'amour. L'amour est à l'émotion, ce que le respect est à l'intelligence. Le respect, c'est l'amour dans l'intelligence. Le respect, c'est l'amour dans le mental. Quand un être est conscient, plus il est conscient, moins il aime dans l'émotion. Parce que c'est très souffrant aimer dans l'émotion pour un homme conscient. Mais, donc il va aimer dans le mental. Donc, il rentre contre une personne, il aime la personne, mais mentalement. Donc, on n'aime plus avec l'émotion qui nous rend toute croche. On aime dans le mental qui établit une base extrêmement solide de relations humaines. Donc, je dirais que le centre de l'amour sera déplacé dans l'évolution. Au lieu d'aimer avec l'émotion, l'homme aimera avec son intelligence. Et dans la conséquence de cet amour mental sera un très grand respect. Et la capacité de respecter l'homme, de respecter l'autre, sera réelle chez l'être conscient. Et c'est ça qui permettra finalement de créer des alliances extrêmement puissantes entre les hommes et finalement d'ouvrir dans le monde les différentes sphères d'activité qui souvent sont hermétiquement fermées. Et les hommes ouvriront leur maison, les hommes ouvriront donneront accès à d'autres, à leurs avoirs, à différents niveaux, et l'énergie pourra circuler, parce qu'il y aura respect. Il faut avoir du respect. Est-ce que le respect résiste au manque? dans le sens qu'une personne, disons exemple, qui souffre, peut-être pas vraiment de pauvreté, mais qui a des manques dans son processus de travail, dans son processus de vie. OK, ça c'est intéressant. Vous pouvez respecter l'homme à différents niveaux, dans différents temps, sous différentes circonstances, pour différentes raisons. Et vous pouvez en arriver à ne plus respecter l'homme que vous avez respecté parce que vous avez vu qu'il n'avait pas la force intérieure pour en arriver à intégrer son énergie ou pour en arriver à individualiser son être. Autrement dit, vous pouvez rencontrer un homme à un certain niveau et le respecter parce que il y a à ce niveau-là un échange. Il y a à ce niveau-là une certaine sensibilité. Vous traitez avec lui pendant quelques mois, quelques années, et vous regardez son acheminement, et vous voyez qu'au fur et à mesure où il avance, il demeure au même endroit. Il avance, mais il n'avance pas. Et vous regardez 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vous regardez au bout de 10 ans, 15 ans, et vous voyez qu'il n'a pas réussi à casser en lui les forces astrales de son inconscience. À ce moment-là, vous ne pouvez plus le respecter, mais vous êtes capable de continuer à l'aimer. Je continue sur ceci, parce que c'est important. L'amour, c'est universel. Ça fait partie de la conscience. Mais ça ne se personnalise nécessairement pas. L'amour mental peut demeurer à un niveau tellement occulté qu'il ne se personnalise plus. Il est une énergie qui peut amener dans le personnel le respect. Si vous enlevez le respect, si vous ne respectez plus un homme, dans ce sens que vous ne lui voyez plus l'intelligence, que vous auriez vu auparavant. À ce moment-là, vous êtes obligé, ou l'homme sera obligé de retirer le respect, qui est une forme d'égalisation de l'énergie de l'amour entre lui et vous, et il gardera simplement l'amour. Donc, un homme qui aime universellement l'homme, ne peut pas nécessairement avoir avec lui directement des alliances. Si un homme entre dans une évolution de cet amour-là sur le plan mental et qu'il s'amène à le personnaliser, il aura avec lui du respect. Et c'est au niveau du respect que les hommes conscients feront des choses entre eux, ce n'est pas au niveau de l'amour. Si l'homme faisait des choses, si les hommes conscients, si l'homme psychique faisait des choses avec l'homme au niveau de l'amour, ce serait une fantaisie. Parce que l'amour est une force trop puissante, c'est une force universelle qui appartient à la conscience supramentale de l'être humain sur la Terre. Donc, ce n'est pas une force raisonnable. Le respect, par contre, est une force raisonnable. C'est l'amour amené à un niveau raisonnable. Mais pour qu'il y ait raisonnabilité dans cet amour-là, c'est-à-dire respect, il faut que l'homme avec lequel vous avez ce respect soit capable de démontrer qu'il a suffisamment de conscience pour être dans son être. Sinon, il vous vampirise. Sinon, il devient pour vous un laquais. Sinon, il devient une victime de votre conscience. Vous le magnétisez. Donc, vous ne lui rendez plus service. Et à un certain moment de son évolution, l'homme conscient sera obligé de couper ses liens avec des hommes parce qu'il saura que ces hommes ne peuvent plus aller plus loin. Et il permettra ainsi qu'il s'achemine pour que, dans cette solitude, il puisse se retrouver. Et probablement, plus tard, l'homme conscient renouvellera ses liens avec eux, mais à un autre niveau, dans d'autres circonstances, qui ne feront pas partie de sa vie aujourd'hui. Vous amenez un élément qui, en tout cas pour moi, ça fait éclater bien des affaires. Vous dites qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas le respecter. Et ça sous-entend évidemment que, dans le phénomène du respect, il faut qu'il y ait échange. On peut aimer des gens avec qui on n'échange pas, mais le fait de ne pas être capable d'échanger avec eux, vous semblez dire qu'il n'y a pas de possibilité de... Éventuellement, oui. Je ne dis pas qu'il faut de l'échange tout de suite, à un certain niveau, mais il faut qu'il y ait un certain échange à un certain niveau. Vous ne pouvez pas avoir respect avec une personne s'il n'y a pas une forme d'échange. Mais, ce qui va se produire, c'est que plus l'homme va évoluer, ou prenons deux hommes, il y a deux hommes là, il y en a un qui va évoluer, et il y en a un qui, à un certain moment, ne sentira plus le pouvoir d'échange, parce que l'autre n'aura pas suffisamment évolué. Donc, à ce moment-là, celui qui est plus conscient ne pourra plus véhiculer par rapport à l'autre le respect, mais il continuera à l'aimer. Parce que le respect, c'est ce que j'appelle « the badge of courage of the spirit ». C'est la bague, c'est la bague, la marque du courage de l'esprit. Autrement dit, un homme qui respecte un homme manifeste une dominance de son esprit par rapport à l'autre. Donc, il a du respect parce qu'il y a de l'échange, mais à un certain moment, si l'autre n'en arrive pas à entrer dans son énergie, dans son être-té, l'esprit de celui qui est conscient devra se retirer de l'alliance. Il n'aura pas de choix parce qu'il n'y aura plus de possibilité d'échange. Sur la terre, les hommes vivent les uns par rapport aux autres parce qu'ils ont besoin des autres. Dans la conscience expérimentale. Dans la conscience cosmique de l'homme nouveau, dans la conscience de l'homme moronciel, l'homme moronciel n'a pas besoin des autres. Il traite avec les autres. C'est une nuance très forte. Très forte. L'homme inconscient a besoin des hommes, il a besoin des autres. L'homme conscient traite avec les autres. L'homme moronciel, et d'ailleurs, plus il sera conscient, plus il moroncialisera sa conscience, jusqu'à ce qu'il passe à l'éthérique, l'homme moronciel sera un être totalement indépendant d'esprit. Et quand je dis indépendant d'esprit, je veux dire totalement dans son esprit. Non, et quand étant totalement dans son esprit, il traitera avec d'autres esprits. Vous parlez de traiter, et non pas d'avoir besoin de quelqu'un. Traiter. Oui. J'assimile assez bien ça. Mais si vous n'avez pas des besoins identifiés, comment moi je peux échanger avec vous? On en a tous des besoins. Tous les hommes ont des besoins. Oui, mais si vous dites que vous n'établissez pas d'échange avec une personne, ça sous-entend là, dans ce cas-ci, là, vous ne respectez pas la personne pour les besoins que vous avez, vous respectez l'autre, donc vous respectez l'échange que l'autre fait avec vous, sous quelle base? Je vais poser la question. Les gens, en général, psychologiquement, respectent les gens qui remplissent leurs besoins ou qui sont aptes à satisfaire certains besoins. Généralement, la forme de respect qu'on s'identifie, c'est le sentiment que l'autre nous apporte quelque chose. Vous me dites, l'être conscient, il est totalement indépendant d'esprit, il traite avec les autres, mais n'a pas besoin de l'autre. Mais il y a quand même des besoins à combler. Il traite avec l'autre. Il y a toujours quelqu'un avec qui traiter. Il y a un homme conscient trouvera toujours dans le monde à quelqu'un avec qui traiter. Si c'est une impossibilité qu'il n'y ait pas quelqu'un avec qui on traite. Là-dessus, j'endosse. Mais là où je veux poser la question, c'est le respect que l'être conscient a vis-à-vis de l'autre. De la façon que vous le dites, il n'a pas besoin de l'autre, mais il va le respecter. Mais dans le respect, vous ajoutez la valeur, l'aspect de l'échange. Il y a un échange. L'échange, ça fait partie du besoin. Dans un échange, il y a toujours un besoin. Donc, il y a quelqu'un qui répond à votre besoin. Il y a toujours quelqu'un qui répond au besoin. S'il répond à votre besoin, vous le respectez. Si la personne répond au besoin, il y a respect. OK. Donc, plus quelqu'un trouve le moyen de répondre à certains besoins, plus vous allez les respecter? Non. Plus la personne entre dans sa conscience, plus la personne peut devenir créative dans ses besoins. Si vous avez deux hommes qui sont en évolution et qu'il y en a un qui est plus évolué, qui est plus conscient, il peut échanger avec l'autre. Mais il y a dans sa conscience la notion de l'autre. Il sait que l'autre doit en arriver éventuellement à dépasser certaines limites de son inconscient. Et il peut attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour que ceci se fasse. Et si un jour ça ne se fait pas parce qu'il y a trop de proximité entre eux, parce qu'il y a trop de respect, il retirera son respect pour que l'autre puisse finalement réaliser son impuissance. Parce que un homme qui est conscient peut devenir une très grande béquille pour un homme qui l'est moins que lui. Mm-hmm. Donc, il y a respect parce qu'il y a amour, il y a échange, effectivement, parce que c'est une condition de se respecter mutuellement. Mais si l'homme n'en arrive pas, l'autre n'en arrive pas un jour à réellement dépasser sa petitesse pour entrer dans son intégralité, l'homme conscient ne veut pas attendre. Donc, il va retirer son respect en voulant dire « je retire ». De ma relation avec toi, l'essentiel, c'est-à-dire le respect que je te donnais avant, parce que tu n'as pas suffisamment de respect pour toi-même. C'est-à-dire que tu n'es pas suffisamment capable de déastraliser ta conscience et rentrer dans ta puissance. Quand un homme conscient retire son respect de l'homme, c'est parce que l'homme n'a pas suffisamment de respect pour lui-même. Et à ce moment-là, il est obligé de retirer le respect. S'il continue à garder le respect, il va s'apercevoir qu'avec le temps, l'esprit retirera son respect. Et l'esprit, chez un homme conscient, est très présent. Et comme il est très présent et que l'ego ne peut plus interférer avec cette lumière-là, avec cette intelligence-là, l'homme, même s'il est conscient, ne peut plus s'empêcher de répondre à ce que l'esprit lui dicte par vibration de l'autre. Donc, il est obligé de retirer le respect. Et moi, j'ai vécu une expérience dans ma vie avec une personne, un très grand ami que j'ai connu depuis des années, que j'aime beaucoup, mais que je recommence à le respecter dernièrement. Je recommence parce que dernièrement, il a commencé, depuis que je me suis retiré de sa vie, il a commencé à se prendre en main. Il a commencé à briser son complexe d'infériorité, de le casser, de le mater. Même quand il parle, il est plus en commande de sa parole. Il a l'œil moins gêné, il a plus de feu, même les gens autour de lui le reconnaissent. On voit qu'il passe de son âge infantile à un âge de maturité. Et d'ailleurs, il va entrer dans sa maturité à 48 ans. Il a seulement 38 ans aujourd'hui, donc il est encore jeune. Mais au moins, il s'en va vers cette conscience-là. Mais à un certain moment, j'ai retiré mon respect. Dans notre expérience, ma femme a fait la même chose. Pourquoi? Parce que dans sa relation avec nous, il était trop abrié. Nous étions trop près de lui. J'étais trop près de lui. Je devenais pour lui une béquille. Je devenais pour lui un être qui pouvait l'expliquer. Mais ce n'est pas suffisant que je l'explique à lui-même. Il faut qu'un jour il brise, qu'il fracasse, qu'il sorte de son être diminué. Et en me retirant de sa vie, c'est ce qui s'est produit. Ça lui a créé un gros choc, parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous, il y avait beaucoup de respect entre nous, et c'est ce choc qui lui a permis finalement de réaliser des choses que par la parole il n'aurait jamais réalisées. Donc aujourd'hui, il est plus grand. Et je vais retenir mon respect pour lui tant que je ne l'aurai pas vu en action, dans la vie, dans sa pleine maturité. Et à ce moment-là, je reconnecterai le respect, je revivrai le respect. Mais je ne lui redonnerai pas le respect que je lui avais donné avant qu'il ait 44 ans. Il y a un point que vous apportez qui est très important. Vous ne lui avez pas retiré votre respect parce que vous n'aviez plus besoin de lui. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a des gens, je me souviens d'une personne dans mon milieu familial, qui était respectée de son patron parce que son patron l'exploitait. Mm-hmm. Et quand le patron a décidé de prendre sa retraite, ben, il s'est retiré, puis a laissé tout simplement l'être qu'il était, employé, s'arranger avec ses problèmes. Dans un sens, on pourrait dire que le patron a retiré son respect en disant, bon, ben lui, il n'est pas à ma hauteur, pas à mon niveau, donc je suis capable de m'en passer. Mais la façon dont vous parlez, vous n'avez pas retiré votre respect comme un patron à un employé en disant « j'ai plus besoin de lui, il ne me sert plus ». Vous semblez l'avoir fait pour son développement personnel. Donc, ça a été, dans un sens, un geste d'amour, la façon qu'on le perçoit, et non pas un geste de style une vieille chaussette qu'on n'a plus de besoin. Cet aspect-là est important dans le phénomène des relations d'échange puis de respect dont vous parlez. Non, j'ai retiré le respect parce que je suis intelligent. J'ai retiré le respect parce que je savais que c'était bon pour lui que je le retire. J'ai retiré le respect parce que je l'aime d'une façon mentale. Si je l'avais aimé d'une façon émotive, subjective, probablement je n'aurais jamais retiré le respect. Ça m'aurait fait mal de retirer le respect. Tandis que quand je l'ai fait, ça ne m'a pas fait mal, parce que je ne connais pas ça, le mal de l'émotion. Donc, j'ai appliqué une loi consciente dans une relation humaine chez un homme qui, finalement, ne pouvait plus simplement bénéficier de son contact avec moi, mais qui devait en arriver à entrer dans son énergie, dans son identité. Le contact avec moi a duré des années, c'était utile pour lui, c'était utile pour moi, ça faisait partie de l'échange. Mais maintenant, l'homme est rendu à un point où il doit devenir utile à lui-même. Donc, pour le faire, il a fallu que je retire le respect, parce que le lien, la magnétisation était trop grande. Donc, j'ai retiré le respect. Autant auparavant, il pouvait venir dans ma maison, il pouvait venir manger avec moi. Maintenant, il ne peut plus. Il doit venir. S'il vient à la porte, il doit sonner. Et même s'il sonne, il ne passera pas nécessairement le seuil de la porte. Je vais le faire attendre dehors comme si c'était un pur étranger. Donc, ceci, ça crée en lui une énergie, une réaction au niveau de l'émotion qui l'amène à briser l'illusion de sa petitesse pour qu'il en arrive finalement à rentrer dans son énergie. Quand un homme rêve que des écureuils lui mangent les couilles, c'est qu'il n'en a plus. Donc, à ce moment-là, il faut tuer les écureuils. Il faut éliminer les écureuils. Et j'ai servi dans sa vie à éliminer les écureuils pour qu'il reprenne ses couilles. Parce qu'un homme qui n'a pas de couilles, autrement dit, un homme qui a peur, un homme qui vit l'astral de la crainte, un homme qui est imbibé de crainte, un homme qui n'est pas capable de travailler dans l'industrie, un homme qui n'est pas capable de faire descendre cette énergie qui fait partie de sa conscience, parce qu'il vit toutes sortes de craintes par rapport au patron, parce qu'il a un grand complexe d'infériorité, parce qu'il a été élevé par ses tantes pendant des années, ne peut pas indéfiniment vivre dans ma présence, parce qu'éventuellement, cet homme-là devient totalement assujetti à ma personne. Donc, il n'y a plus d'échange. Et lorsqu'il n'y a plus d'échange, il faut finaliser, il faut savoir mettre un terme. Et l'homme conscient saura mettre un terme dans ses relations, dans ses alliances, il n'y a plus d'échange. Parce que souvent, des échanges peuvent durer tant de temps, ça fait partie du mouvement de l'énergie, ça fait partie de l'expérience de l'un et de l'autre. Mais dans mon cas, ça ne fait pas partie de l'expérience, donc ça fait partie des conditions de ma vie. Et lorsque je vois que ces conditions sont arrivées à un terme, s'il n'y a pas évolution dans la conscience de l'individu qui est dans ma proximité, je dois ajuster. Si je n'ajuste pas, ce type-là va rester dans mon environnement, dans mon entourage, dans mon champ d'énergie sans arrêt. Il ne pourra jamais en arriver à une conscience. Et ce serait un manque de respect pour la personne. Ce serait, pour moi, ce serait une forme subtile d'esclavage. Donc, un homme qui a une grande puissance créatrice en relation avec un homme qui est très faible, qui est très gentil, qui est très bon, qui a de grandes qualités, ce serait de la magnétisation, ce serait quasiment de la magie. Pour terminer, Bernard, qu'est-ce qu'un homme conscient respecte le plus dans un homme conscient, dans un autre homme conscient? Ce qu'un homme conscient respecte le plus dans un homme conscient, c'est la capacité de cet homme d'être, c'est ça. Être, ça veut dire être. Autrement dit, ne pas jouer de game psychologique. D'être. Si. Être réel. Et un homme conscient, l'homme conscient, l'homme nouveau sera très conscient de l'homme. Vous ne pouvez pas jouer de partie ou de partie psychologique. Vous ne pouvez pas mentir à un homme conscient. Il a une conscience. Ouais. Donc, automatiquement, s'il rencontre des hommes qui ont de la conscience, que ce soit gros comme ça, gros comme ça, gros comme ça, un petit verre plein, c'est tout aussi plein qu'un grand verre plein, comme je dis toujours. Donc, ce que l'homme conscient respecte le plus et aime le plus d'un homme, c'est qu'il soit réel, qu'il soit conscient des lois occultes, qu'ils soient conscients de ce que nous parlons, c'est pas important. Il y a des hommes dans le monde, des petits hommes dans le monde, dans différents pays, ils sont réels. J'ai rencontré des Haïtiens qui sont réels. Ils ne sont pas conscients, mais ils sont réels. C'est une petite réalité, mais ils sont réels. Il y a un petit peu de lumière qui passe, ils sont réels. Je pense à Max Laroche. Hein? Max Laroche, un commerçant au Cap, il est réel. Il n'est pas conscient, mais il a cette petite réalité. Donc, il y a des hommes dans le monde, parce qu'il ne faut pas s'énerver, hein, quand on parle de conscience supramentale ou d'évolution de la conscience supramentale. J'ai horreur des gens qui disent à d'autres, parce que les gens ne me disent pas ça, mais que les gens disent à d'autres, « Ah, mais moi, je suis conscient. » Les gens qui se disent conscients, pour moi, ne le sont pas. Merci beaucoup, Madame Montréal.